c'est pour ma jeunesse. Sois fort et bats-toi, garde espoir, one love. Y'a yeah, un prime stakes D, y'a ma jeunesse qui s'exprime, elle exprime, elle fait ses sex symboles, fric et zeste de frime, vie histoire de fesses en mode stress ou déprime, avec elle la fête ne cesse pas, alors Tesla pas, genou elle se vête, c'est son plus gros complexe, expert pour trouver de mauvais exemples, exclu à l'excès devant une France ignorante. Pourtant mes jeunes excellent aux examens, quand j'examine c'est plus près, regardez bien, diplôme expérience et ça veut s'exercer, mais pas de reconnaissance face à mes jeunes exaspérés, excellent mais désespéré face au monde libéral, flexibilité égale débilité, ça devient grave, ça se dégrade et ça s'excite, alors je t'explique sur ces lyrics l'avenir critique. Génération 90, c'est les dératés, c'est des décadences, ça tout va sans arrêter, ça se la bête, ça quitte le shit et l'alcool, victime de la mode, c'est ma génération lol. Génération 90, c'est les dératés, c'est des décadences, ça tout va sans arrêter, ça s'embête de la mif et de l'école, génération ras-le-bol, pourvu qu'elle décolle. 2008, c'est trop délicite, ça s'y transfère, pèse comme principe, exit-moi ça de suite pour cette jeunesse trop express qui se presse pour tout, car on la délaisse, mais laisse tomber les tata béton, c'est pas du Louis Vuitton qu'elle porte quand ses potes l'escorte, ça donne le ton, car nous exportons la mode hip-hop, notre façon des expressions, elle t'impressionne, la rage car sous pression, mais sans exception, elle ne démissionne, elle façonne sa détermination, c'est la patronne d'un futur qui sonne mal, faut changer la donne, à gauche le MP3, puis à droite le fun, mais mes jeunes se questionnent trop et se mitonnent, donc rien ne m'étonne, si dans la zone ça se bastonne, mais attends, mes jeunes ont de l'amour avant de partir. Génération 90, c'est les dératés, c'est des décadences, ça tout va sans arrêter, ça se la bête, ça kick le shit et l'alcool, victime de la mode, c'est ma génération lol. Génération 90, c'est les dératés, c'est des décadences, ça tout va sans arrêter, ça s'embête de la mif et de l'école, génération ras-le-bol pourvu qu'elle décolle. Sexe, prison, suicide et souffrance, et puis l'infidélité en pleine croissance. Relève-toi grand, toi grand, sois le prochain combattant, faire des exploits, tiens maintenant sans perdre de temps. Puis wesh c'est mon tarot de cas, mais je ne vends plus s'acheter des vodkas, pas de coups dans le cas où t'en mets pas, c'est comme ça, c'est dur, génération sida. Jeune des années 90, ici ça kiffe le foot, zizi Zidane, et les deux têtes en finale, notre fierté nationale colorée fait très mal, garder la tête haute, le moral devient normal, ça connaît pas Molière et ça rêve d'oseille, ça veut des mêmes merveilles et bronzer sous le soleil, en attendant sèche tes larmes et pas des cours, le temps court vite, alors fonce pour pas être pris. Génération 90, c'est les dératés, c'est des décadences, ça tout va sans arrêter, ça se la bête, ça quitte le shit et l'alcool, victime de la mode, c'est ma génération lol. Génération 90, c'est les dératés, c'est des décadences, ça tout va sans arrêter, ça s'embête de la mif et de l'école, génération ras-le-bol pourvu qu'elle décolle. Yeah, yeah, check moi ça, surfing pour ma jeunesse, c'est votre rime. Génération lol, génération sexe, prison, suicide, souffrance.